Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si vous êtes collectionneur d'armes, on ne sait jamais, vous allez vous trouver en terrain connu. Les noms propres, les marques, les calibres vous seront familiers. Mais ces variations sur ces machines à tuer sont évidemment plus ironiques qu'informatives. Dans le néo-polar, on exécute, comme dans tout bon roman noir. En 1985, le 30 août 1985, Francis Lacassin, pour ses Nouvelles du crime, avait déniché une nouvelle savoureuse et saignante. Les Nouvelles du crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin. Auteur d'une quinzaine de romans, éditeur, traducteur, directeur de collection, critique, rédacteur en chef, scénariste de films, de téléfilms et de bandes dessinées, Jean-Patrick Manchette est vraiment le représentant typique d'une nouvelle génération d'auteurs qui foncent tous azimuts. Né en 1942, il se destinait au professorat d'anglais. Il a même enseigné le français à l'Angleterre. Son mariage avec une ancienne élève de l'IDEC, c'est-à-dire l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, va l'amener à fréquenter des gens de cinéma. Un jour, il participe à un scénario. Puis, il en écrit complètement un autre. Enfin, il collabore à la série de télévision Les Globetrotters. Puis, on lui propose de raconter sous forme de roman quelques films ou feuilletons de télévision qui ont connu le succès. Il accepte, se familiarise avec l'écriture et il décide d'employer ce nouveau moyen d'expression à ses propres œuvres. Son premier roman policier, Laissez bronzer les cadavres, paraît en 1971. L'année suivante, il obtient le Grand Prix de littérature policière avec Au dingo, au château, qui sera suivi de Folle à tuer et de Morgue pleine. Ces titres, sarcastiques ou parodiques, révèlent la tonalité de l'œuvre de Manchette, mais on aurait tort de croire que son humour n'a pas d'autre finalité que la dérision. Manchette a foncé dans le confort béat du roman policier français et il a fait voler en éclats toutes ses conventions, que ce soit au niveau d'écriture, du sujet, de la narration ou des personnages. Ces anti-héros, si marginaux soient-ils, sont les seuls à conserver une cohérence dans un univers placé sous le signe de la démence ou de la dislocation. Chez Manchette, ce sont les gens normaux qui sont incompréhensibles. La dérision n'est qu'un rideau de fumée. Cette entreprise de dislocation de l'ordre social, que Manchette semble mener avec une improvisation anarchiste ou absurde, elle obéit en réalité à un dessein précis, accompli avec une méthode rigoureuse. On peut la vérifier dans la nouvelle au titre prophétique, Le discours de la méthode. À 7 heures, le valet de chambre indochinois s'était retiré depuis un moment sous les combles dans sa chambre. C'est donc le professeur Marchand Poitrail lui-même qui vint ouvrir la porte. Il fronçait les sourcils car il se demandait qui diable sonnait si tard. Et aussitôt, il reçut sous la clavicule droite une balle de calibre 2,7 mm tirée à bout portant. Le tournant décisif dans la vie de Jules Coprin. Peut-être devrait-on le situer à l'instant où le jeune homme entre le premier dans une épicerie, par une imposte, et où, se laissant glisser les jambes en avant dans l'obscurité complète, il marche profondément du pied droit dans une terrine de pâté, charcuterie de Bretagne, dite entre autres choses l'enseigne du commerce. L'important, c'est le plan. Avoir un bon plan, voilà l'essentiel. Avec un bon plan, on ne peut pas se casser la gueule. Milou est le compagnon de Jules. Ensemble, ils ont fait jouer le loquet de l'imposte avec un bout de fil de fer. Puis Milou a fait la courte échelle à Jules. Celui-ci s'est glissé dans le magasin où il y a des bouteilles à prendre et peut-être de l'argent. Et Jules, se rappelant la disposition des lieux, car ils en ont fait un croquis, a cherché dans le noir à poser son pied sur le comptoir réfrigéré. Mais il marche dans le pâté, glisse et il se casse la gueule. Il tombe le genou gauche en avant, Il se brise la rotule sur le carrelage. Il pousse un hurlement, la terrine est tombée aussi, rebondit et se fracasse. L'épicier est immobile en pyjama dans les ténèbres au fond de la boutique, à la limite de l'arrière-boutique. Car il a déjà été cambriolé 3 fois et il a pris l'habitude de réagir au moindre bruit. Et il a entendu Milou et Jules manœuvrer le loquet. L'épicier a un fusil bouché. Affolé par le vacarme, il épaule et tire à l'aveuglette. Il vide ses 2 canons en même temps et les gerbes de gros plomb passent au-dessus de la tête de Jules qui crie. Et elle crible la porte et la transperce. Milou, debout sur le trottoir devant la porte, recule et s'assied dans le caniveau entre 2 voitures en stationnement. Il pousse un soupir aigu car il meurt. Sa tête s'incline sur sa poitrine, son buste penche à gauche et vient reposer contre la calandre d'une amicis et il reste là. Du sang coule de son corps, de sa bouche, de son nez et de ses orbites, d'abord en abondance, puis lentement. Je me rends ! Je me rends ! Je suis pas armé ! J'ai une jambe cassée, je suis qu'un petit voleur. Tirez pas, monsieur ! Il entend dans le noir l'épicier recharger son boucher. L'épicier hésite un moment, puis, s'abritant derrière le 2e comptoir, il donne de la lumière, considère la situation. Petit con ! Et il décroche le téléphone et appelle la police. Jules est emmené à l'hôtel Dieu. On le soigne. On répare son genou parfaitement. Il fait seulement 2 mois de prison préventive. Peu de temps auparavant, âgé de 18 ans à peine, il a eu déjà une vilaine histoire quand il s'est trouvé à bord d'une voiture volée, conduite par un zonard et pleine d'appareils électriques achetés avec un chéquier dérobé. Mais on a été clément avec lui. Et à présent, on l'est de nouveau. C'est parce qu'il jouissait naguère de la protection du commissaire Baleineau, et à présent, il en jouit davantage encore car ce policier a eu avec lui un entretien sérieux et ils ont conclu un marché. Un peu plus tard, quand le père Coprin, cheminot, est rentré en disant qu'il ne se sentait pas bien, puis est mort en 10 minutes, c'est grâce à Baleineau que la veuve Coprin, autrefois vendeuse, a pu retrouver vite un emploi comme surveillante dans un grand magasin. Les soirs, elle raconte au jeune Jules comme elle se fait ce qui fauche. La veuve Coprin aime son travail. Elle aime faire des prises. Mais elle est sélective. Quand elle surprend un vrai pauvre qui vole, elle se borne souvent à le tancer et le contraindre à payer ou restituer. Elle est sans pitié, en revanche, pour les faux pauvres, le mec ou la fille qui fauche sans honte. Marchand Poitrail était vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche sous une veste d'intérieur en velours broché bleu. Ses pieds étaient chaussés de mules en peau de vache. Il occupait un hôtel particulier de 3 étages, bourré d'antiquités exotiques. Pardonnez-moi, attachez-moi, faites tout ce que vous voulez, prenez tout, mais pitié. Son agresseur venait d'assommer le valet avec un poussa en pierre bleue. Puis, l'Indochinois inconscient avait été bâillonné, attaché et fourré dans le placard à balai. « Pitié !» répéta le professeur. L'intrus ne répondit rien. Il sortait des armes de poing de ses sacs. Successivement, il fit éclater un coude du professeur avec le nagant. Puis l'autre coude avec un automatique 7.63 Azul. Marchand Poitrail s'évanouit. L'intrus s'assit sur une bergère. Quand le professeur reprit conscience, il s'agita et son visiteur lui fit sauter la moitié d'un mollet d'un coup de luger chambré en 7.65. Le calme et le silence revinrent. Ou bien faudrait-il penser que le tournant décisif dans la vie de Jules Coprin, ce sont ses contacts avec le Front de libération des instincts et des personnes. L'appellation de ce groupe a été choisie par plaisanterie à cause des initiales FLIP, FLIP. Et puis la terrible passion qu'il a si vite éprouvée pour cheval fou. On peut essayer de voir les choses dans l'ordre chronologique, quoique ça ne nous avance pas forcément à grand-chose. Feu, le grand philosophe Jean-Paul Sartre, affirme dans son introduction à « Questions de méthode » que dans une perspective dialectique, l'ordre chronologique est toujours le plus significatif. Le grand philosophe a encore dit une connerie. L'ordre le plus significatif est précisément l'ordre inverse. Et de Jules Coprin, il faut dire qu'il est essentiellement résultat, c'est-à-dire qu'il est à la fin seulement ce qu'il est en vérité. Mais voyez tout de même, chronologiquement, Jules Coprin, devenu un grand adolescent, mène une existence dévoyée. Il est livré d'autant plus à lui-même que sa mère, ayant enfin atteint l'âge de la retraite, s'est retirée dans la maison de campagne du Poitou, dont elle a réussi à payer les traites à force d'expédients et d'économies. Même, elle a vendu le piano de Jules. Le jeune homme a de mauvaises fréquentations et des activités pendables. Sa relation avec une fille qu'il installe dans l'appartement familial à Bagneux est à la limite du proxénétisme. D'ailleurs, quelques heures avant d'aller cambrioler l'épicerie avec Milou, Jules a trouvé cette fille au lit avec un arabe. Et comme Jules protestait, voulait faire le méchant et menaçait l'arabe, celui-ci lui a jeté au visage son condom plein de semences. De ce pas, l'on comprend mieux que le lendemain, lorsque le commissaire Baleineau rend visite à Jules sur son lit d'hôpital, Jules lui dénonce l'arabe, nommé Saïd, qui est casseur à 16 heures. Mais alors, voici que Jules est indicateur de police. C'est un état dont on se défait rarement. Grâce à Baleineau, le jeune homme n'est condamné que légèrement et avec sursis, et part pour le service national qu'il effectue surtout en Allemagne. Là-bas, il fait du trafic de fournitures militaires, surtout des pneus et des couvertures, mais occasionnellement des armes et des munitions. Imaginez ceci. Il a neigé. Le camion bâché est à couvert. Les clients arrivent dans deux voitures Mercedes et un petit fourgon Volkswagen. Il y a des filles parmi les clients. Il est 7 heures du soir. Le ciel est gris foncé, contre quoi se détachent des sapins couverts de neige blanche. La chaussée est dans une obscurité livide. Les véhicules ont leurs lanternes allumées. Le transbordement se fait. Le soldat Coprin ne se demande guère ce que les clients feront de tant d'explosifs et tant d'armes. Une des filles lui paraît désirable. Il rêvasse. Quelques semaines plus tard, Jules échappe à un coup de filet lancé par les gendarmeries françaises et allemandes. Des soldats passent devant des tribunaux militaires, mais pas Jules Coprin. Voici un autre incident. Jules va pisser en pleine nuit. Dans les latrines, il trouve un type nommé Roustan. C'est un appelé qui se conduit comme un fou. Ou bien il veut se faire réformer en simulant, ou bien il est vraiment fou. On ne sait pas. Présentement, Roustan est assis sur le sol des latrines, les veines des poignets ouvertes, un flot de sang s'écoulant par terre. Jules pisse sans rien dire, puis dévisage Roustan. Celui-ci lui rend son regard, mais ne dit rien. Jules ressort en silence et se recouche. Quelques instants plus tard, Roustan est découvert par quelqu'un d'autre qui appelle à l'aide. Et bientôt, Roustan est sauvé. Plusieurs années plus tard, Jules Coprin fait partie d'un orchestre de jazz rock qui se produit dans des fêtes d'extrême-gauche, et il retrouve Roustan. À ce moment, Roustan est une personnalité influente du FLIP. Le FLIP est un petit groupe, une communauté de 10 ou 12 malades mentaux qui essaie de s'inspirer du SPK allemand, collectif socialiste de patients. Les membres du FLIP étudient collectivement la philosophie pour tâcher de comprendre et supporter leur état et les conditions de vie qui les entourent et qui leur sont faites. Jules participe à leur réunion sur la suggestion du commissaire Baleineau. Si nous tirons de nos réflexions des conclusions systématiques, expose Roustan à ses compagnons, nous devons constater que notre véritable but logique n'est nullement de guérir, mais plutôt de devenir plus malade encore. Pendant que Roustan parlait, Jules regardait Cheval Fou qui ne le regardait pas. Ayant repris conscience, le professeur Marchand-Poitrail n'essayait pas de discuter avec son agresseur. D'abord à cloche-pied, puis en rampant, il tentait de s'éloigner du tireur. Parfois, il essaya de s'approcher des fenêtres, mais des coups de feu le dissuadaient chaque fois. Au total, le professeur se déplaça beaucoup pour un homme bien blessé. Il parcourut toutes les pièces de son rez-de-chaussée, puis escalada une volée de marches de l'escalier intérieur et rampa à travers la plupart des pièces du premier étage. Chemin faisant, son visiteur lui tira dans le corps, en évitant les organes essentiels, du 8 mm, du 32 SW, du 32 ACP, et enfin, il fit complètement éclater une épaule du professeur d'un coup d'automatique, le français 9 mm. Cela suppose que nous nous rendions aussi contagieux que possible. Il faut rendre tout le monde malade. Si tout le monde est malade, plus personne ne peut travailler. Ce monde est malade de toute façon, mais nous devons accélérer le processus. C'est cohérent, dit quelqu'un. Dans l'abstrait, la question est à présent d'être cohérent concrètement. L'un de vous a parlé d'attaquer une caisse d'épargne et de prévoyance. J'ai le regret de dire que c'est pratiquement incohérent. Il faut trouver autre chose qui soit cohérent, pratiquement. Faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Et 2 mois plus tard, les discussions n'ayant finalement donné que des résultats médiocres, 6 membres du FLIP, porteurs d'armes et de quantités considérables de LSD-25, tentent d'investir de nuit un réservoir d'eau de la ville de Paris au voisinage de la porte de Pantin. Comme des policiers se dressent dans l'ombre, braquent sur eux des projecteurs et les interpellent, ces fous, au lieu de se rendre aussitôt, ouvrent le feu. Et dans les 3 ou 4 minutes qui suivent, ils sont tous tués. Bon sang. Quelle tristesse. Grogne le commissaire Baleineau qui a dirigé l'opération, contemplant les cadavres alignés sur le gazon, sur la pelouse riante qui est au-dessus du réservoir. Et Marchand Poitrail avait réussi à franchir une porte et se traînait sur le sol d'un salon asiatique plein de paravents chinois, d'estampes japonaises et de vases Ming. Et son agresseur le suivait avec ses sacs et choisit un Smith & Wesson 357 Magnum et se pencha et tira dans la cheville du professeur et le pied de la victime se détacha. Et l'amour de Jules Coprin pour Cheval Fou ne peut être décrit dans la narration que nous faisons ici et qui doit être brève, car c'est ainsi seulement qu'elle aura une forme excellente. Cheval Fou est un surnom. C'est un nom d'Indien peau rouge, ou bien cela veut en avoir l'air. La même idée se présente ici que celle de Roustan et des autres membres du FLIP, pour qui la marche ordinaire des choses a pour fin la mort des gens. Cheval Fou, qui était une jeune femme blonde, originaire d'Europe du Nord, se considérait comme condamnée de la même façon qu'un Indien peau rouge. Cependant, pour un instant, Jules Coprin la sauve. Il a manœuvré pour qu'elle ne participe pas à l'opération contre le réservoir d'eau. Après le massacre, comme Baleineau arrête les 2 ou 3 membres restants du FLIP, Jules a pris la route avec Cheval Fou, avec l'accord du commissaire. Le couple se réfugie dans le Poitou, auprès de la veuve Coprin. Les rapports sont difficiles entre la veuve et la jeune femme. Pourtant, celle-ci est très calme. Elle ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. En fait, elle ne dit presque jamais rien. Elle continue de ne pas regarder Jules, qui la regarde sans cesse. Finalement, il n'y tient plus. Je vous aime. Je suis informateur de la police. J'ai tenu la police au courant des agissements de Roustan et les autres. Maintenant, je vais vous expliquer. Mais regardez-moi enfin ! Cheval Fou le regarde pour de bon, pour une fois. Puis, comme ils sont dans la cuisine, elle prend le couteau à découper les rôtis et tente de le planter entre les côtes de Jules Coprin. Celui-ci saute en arrière, empoigne pour se défendre la première chose qui lui tombe sous la main et tape. Ainsi, Cheval Fou est tué d'un coup de marteau dans la tempe. Elle tombe, les yeux vitreux. La veuve Coprin entre dans la cuisine. « Que s'est-il passé ? » demande-t-elle sans comprendre que Cheval Fou est morte. « Je t'avais bien dit que ça finirait mal avec cette petite salope. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu es complètement fou. Elle vient de voir le sang. »« Mère, comme vous êtes peu méthodique. » Il fait un tour complet sur lui-même, puis tape sur la tête de sa mère avec le marteau et lui défonce la boîte crânienne. Puis Jules met le feu à la maison et s'enfuit au hasard. Excusez-moi, mon vieux, j'avais oublié celui-là. Commenta l'intrus en expédiant une balle de 35 SCW à travers l'épaule de Marchand Poitrail, qu'il flingua ensuite avec un Colt 38 New Army, un automatique CZ tirant du 380 ACP et un revolver d'ordonnance italien très vétuste qui tirait du 10-35. À la porte d'entrée, on cognait. Sans doute des voisins courageux. Du palier, l'intrus logea une balle de 11 mm dans le haut du battant avec un revolver d'ordonnance français fabriqué en 1873 et les coups cessèrent. Poursuivant, dit l'agresseur à Marchand Poitrail qui se traînait lamentablement sur le sol en foutant du sang partout. Et le tireur sortit d'un sac un Ruger Super Black Hole chambré en 44 Magnum. Grâce aux petites annonces du chasseur français, Jules Coprin trouve une place de gardien dans une grande propriété des Landes. Auparavant, il a dû subir de la part du propriétaire des questions et des instructions. Passons sur les questions, à quoi il a répondu avec habileté. « À mon âge. » expose le propriétaire. Il est très âgé, il est presque aveugle, il a un léger accent espagnol ou peut-être sud-américain. « On se moque de ses possessions terrestres. Cependant, en ce qui concerne cette demeure, je veux qu'elle reste intacte, pour des raisons sentimentales. Elle devait revenir à mon fils. De fait, il en usait déjà, c'était un collectionneur. Et il collectionnait tout, pour plus de sûreté. Et ses collections emplissent la demeure, qui est très vaste. Vous voulez que je les entretienne ? Surtout pas. Je veux seulement que la demeure reste close. Personne ne doit mettre la main sur ce qui devait revenir à mon fils. Bien. Il s'est tué. La maison doit rester exactement en l'état. Vous occuperez le pavillon de garde. Bien. Il collectionnait tout. Il était extraordinairement méthodique. Il n'aurait pas dû mourir. Non. Fermez votre gueule. Bien. Le surlendemain, il se retrouve dans la propriété des Landes, dont il a désormais la garde. Il boit plus que de raison et braconne. Il va parfois à vélo au village, faire des provisions, acheter quelques journaux. Un moment, la presse a parlé de lui, puisqu'il est assassin, matricide et incendiaire. Et un dispositif important avait été mis en place pour l'arrêter, mais quelque chose clochait dedans, puisque Jules a pu s'éclipser. Et les journaux n'ont plus rien à dire de lui. Contre les instructions qu'il a reçues, Jules décide que ce qui est stocké là doit être entretenu. Mais c'est impossible, il y a trop de choses. Jules décide de ne conserver, sauvegarder que l'essentiel. Comme d'autre part, il ne supporte plus du tout d'être cantonné dans le pavillon de garde, il a entrepris de s'installer dans la maison de maître, mais il la respecte trop pour l'occuper tout de go. Il a donc commencé la construction d'un logement particulier, une sorte de cabane, ou de chalet, ou de bungalow, au centre du grand salon de la demeure. Il fait le gros œuvre avec des troncs qu'il abat et qu'il écorce dans le voisinage, et des rondins qu'il taille. Pour fabriquer les éléments plus délicats, il arrache des planchers de la demeure, s'approprie quelques meubles aussi, dont il doit parfois rectifier les formes avec des scies, des rabots, des couteaux, des limes, des varlopes, des vrilles, etc. La cabane achevée, Jules entreprend de transporter dedans ce qui mérite d'être conservé. Le voici bien hésitant, car il est contraint à une sélection draconienne. Mais il ne sait pas sur quels critères se baser. D'abord, il élimine implacablement tout ce qui révèle de l'artisanat. Il ne sauvera que ce qui est de l'art. Mais il lui faut encore éliminer beaucoup d'objets d'art, car les œuvres réunies dans l'immense demeure représentent un volume 10 000 ou 100 000 fois plus grand que le bungalow qui s'élève au milieu du grand salon sous les lustres éteints. Averti par les voisins, des policiers s'approchèrent au milieu de la nuit de l'hôtel particulier du professeur Marchand Poitrail. Ils furent accueillis par une grêle de balles, du 11 mm d'ordonnance français, du 44 Webley, du 44 Winchester, du 45 ACP et du 455 Webley. Ils se retirèrent sans perte. Tandis que des coups de feu continuaient à résonner à l'intérieur de l'hôtel particulier, les policiers demandèrent du renfort par radio. Jules, dont la perplexité va croissant, essaie beaucoup de méthodes pour comparer les œuvres. Il mesure leurs dimensions, leur poids, il évalue leur résistance en donnant des coups de pied dedans, il fait des expériences avec des produits chimiques, il compare la rapidité de combustion des objets, ou de fusion. Les résultats qu'il obtient sont inutilisables. Jules veut alors utiliser son jugement esthétique. Il adopte successivement deux méthodes simples. D'abord, il envisage de ne conserver que les œuvres absolument belles, qui n'ont en elles rien de mauvais. Mais il constate qu'il devra alors les éliminer toutes. Ensuite, il envisage, à l'inverse, de conserver toute œuvre qui n'est pas absolument mauvaise, qui a en elle quelque chose de bon. Et il constate alors qu'il lui faudrait conserver tout. Il a ainsi été ramené à son point de départ. Il en rage. Je peux pas. Déclare enfin Jules au fantôme de cheval fou qui lui est apparu dans le grand salon, comme souvent. Il secoue la tête, sourcils froncés, il se concentre, puis il va choisir dans une pièce les deux sacs de voyage les plus grands et les plus coûteux du monde, et il les emporte dans la salle d'armes. J'abandonne, dit-il au spectre qui le suit. Je suis seul. Et l'homme seul ne peut être méthodique en général. Il peut seulement être méthodique d'une façon particulière. Je vais m'y mettre brièvement. Il se retourne, mais le spectre a disparu. Jules emplit ses sacs. Le lendemain, ayant voyagé par le train avec ses deux sacs énormes et lourds, Jules Coprin se présente chez le commissaire Baleineau. Mais tout un appareil de tenture noire et argent orne le seuil du policier, tué voici 3 jours en service commandé. Dépité, Jules erre avec ses gros sacs. Il se ressaisit. Méthodique, il a établi une liste. Le commissaire Baleineau venait en premier sur cette liste, mais beaucoup d'autres personnes y figurent. Un instant, Jules veut s'en prendre au numéro 2 de sa liste, mais il constate alors que le hasard l'a mené vers Neuilly et qu'il se trouve à 2 pas de l'hôtel particulier du professeur Marchand Poitrail, président de l'Ordre des médecins, qui figure sur la liste en 111e position. Comme Jules Coprin a mal aux pieds, il s'attaque à l'objectif le plus proche. Voilà. Pour finir, le fou homicide tira dans un poumon du professeur avec un très gros revolver belge chambré en 11.75, puis dans l'autre poumon avec un Enfield 1880 calibre 4.76. Et enfin, il fit complètement éclater la tête de Marchand Poitrail d'un coup d'un revolver Bland tirant du 5.77. Le jour se levait. L'hôtel particulier était cerné par des policiers nombreux, en treillis. Les sacs du fou étaient vides. On lui faisait des sommations avec des mégaphones électriques. Je doute que vous y compreniez quelque chose. Murmura Jules Coprin, qui ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales et tenait une pièce de collection, un revolver fabriqué dans les Balkans. Jadis, il y avait en face du percuteur une cartouche de 15 mm, la plus grosse munition du monde. Jules se l'était gardé pour la bonne bouche et, en effet, il se la tira aussitôt dans le cœur. C'était le discours de la méthode de Jean-Pierre Manchette, avec les voix de Robert Party et Henri Poirier. Réalisation Jacques Béraud. C'était les Nouvelles du crime par Francis Lacassin. Le discours de la méthode de Jean-Patrick Manchette, lecture Robert Party et Henri Poirier. Réalisation Jacques Béraud, première diffusion sur France Culture le 30 août 1985. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.